j'espère que tu n'as pas perdu la clé. Pierre de... Pierre de... Pierre de quoi? Pierre qui roule! N'amasse pas! Mousse! Pas de mousse! La mousse de l'argent, la mousse de la crainte, la mousse du sommeil, la mousse de la mort, la mousse, la mousse. J'espère que tu n'as pas perdu la clé. J'ai la clé de ce cercle. Pierre de pierre qui roule, n'amasse pas de mousse. Pas de mousse. La mousse du respect, la mousse du confort, la mousse du passé, la mousse de la mort, la mousse, la mousse.